Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter une compilation de sourates et de versets du noble Coran et récitée par le frère de mérite Hamza As-Senerali, rahimahullah ta'ala, ancien étudiant du centre d'études islamiques Darul Hadith de Dammaj et mort en martyr pour sa sauvegarde, suivi de la traduction de leur sens en langue française par le frère Wahbi At-Tunisi. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Surat numéro 70, Al-Ma'arij, versets 1 à 18. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'a. Quelqu'un a questionné au sujet d'un châtiment inéluctable. Lil-kafirina laysa lahu dafi'a. Réservé pour les mécréants, que nul ne pourra repousser. Et qui provient d'Allah, le maître des voies ascensionnelles. Les anges ainsi que l'esprit, l'ange Jibril, montent vers lui en un jour. En un jour dont la durée est de 50 000 ans. Supporte donc d'une belle patience. Ils, les mécréants, le voient bien loin. Alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. Et que les montagnes seront comme de la laine. Et où personne ne sollicitera son ami intime. Tout le monde se verra. Le criminel aimera tant pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, quitte à s'acquitter de ses propres enfants. De sa compagne et de son frère. De même que de ses proches. Ainsi que tout ce qui se trouve sur la terre qui pourrait le sauver. En vain, certes l'enfer est un brasier. Qui arrache la peau et les extrémités du corps. Qui appellera tous ceux qui s'en allaient en tournant le dos à la vérité. Et qui amassait les richesses de ce bas monde et les thésaurisait. Surat numéro 74, Al-Muddathir, versets 38 à 48. كل نفس بما كسبت رهينة. Toute âme est otage et responsable de ce qu'elle a acquis comme œuvre. إلا أصحاب اليمين. Sauf les pieux. في جنات يتساءلون. Ces derniers, une fois qu'ils seront dans les jardins du paradis, interrogeons les criminels. Ils ils interrogeront les criminels. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, un endroit en enfer? Qalu lam nakum min al-musallin. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière. Wa lam nakum nut'imu al-miskin. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin. Et nous perdions notre temps avec ceux qui tenaient des conversations futiles. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Et nous traitions de mensonges le jour du jugement dernier. Hatta jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, c'est-à-dire la mort. À cela, aucune intercession ne leur sera profitable. Sourate numéro 77, Al-Mursalat, versets 29 à 40. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Il sera dit aux mécréants le jour de la résurrection, allez vers ce que vous traitiez de mensonge. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Allez vers une ombre d'une fumée à trois branches. La ظليلٍ ولا يغني من اللهب. Qui n'est ni ombreuse ni capable de protéger contre les flammes. إنها ترمي بشرر كالقفر. Et qui jette des étincelles volumineuses telles des châteaux. كأنه جمالة. Et comprendrait pour des chameaux jaunes. Malheur donc ce jour-là à ceux qui démentaient notre message. Ce jour-là, ils ne pourront parler. Et il ne leur sera point donné la permission de s'excuser. Malheur donc ce jour-là à ceux qui démentaient notre message. Il s'agit du jour du jugement dernier, où nous vous réunirons, ainsi que les premières générations. Donc si vous disposez d'une ruse, alors rusez. Malheur donc ce jour-là à ceux qui démentaient notre message. Sourate 89, Al-Fajr. Par l'aube et par les dix nuits et par le père et l'impère et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec le peuple de Had? Les Hiram avec leurs habitations aux grandes colonnes, dont jamais pareil ne fut construite parmi les cités. الصخر بالواد et avec le peuple de Thamoud qui taillait les rochers dans la vallée وفرعون ذي الأوتاد de même que Pharaon avec son armée الذين طغوا في البلاد tout cela était des gens qui transgressaient sur terre فأكثروا فيها الفساد et y avaient commis beaucoup de désordres فصب عليهم ربك سوط عذاب ton Seigneur déversera alors sur eux un douloureux châtiment إن ربك لبالمرصاد Car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Par contre, lorsqu'il l'éprouve en lui amoindrissant sa subsistance, il dit, il dit, mon Seigneur m'a avili. Mais non. Mais non, c'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Et vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. De même que vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Et aimez éperdument l'argent et les richesses de ce bas monde. Mais prenez garde, quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges parfaitement alignés en rang, et quand on amènera ce jour à l'enfer, alors ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi bon lui servira ce rappel ? Il dira, hélas pour moi, que n'ai-je avancé comme bonne œuvre pour ma vie future ? Ce jour-là, nul ne sera châtié comme Allah châtiera. Et nul ne saura être dur comme Allah le sera. Ô toi, l'âme apaisée. Retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs. Et entre dans mon paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.